les dirigeants d'église et l'unité, mercredi 24 octobre. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don de Christ. Le salut est un don accordé à tous ceux qui veulent bien la recevoir, mais certains dons spirituels sont accordés à certaines personnes dans un but particulier. Lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11. Quel don de leadership Dieu accorde-t-il à l'Église ? Selon Éphésiens 4, verset 12, quel est l'objectif de Dieu quand il accorde des dons particuliers à l'Église ? En quoi ces dons sont-ils liés entre eux ? Quel est le rapport entre ces dons ? Tous les chrétiens sont en un sens ministres et serviteurs de Dieu et de l'Évangile. Le mandat de Christ dans Matthieu 28, verset 19 à 20, est donné à tous les chrétiens. Ils sont appelés à aller, à faire des disciples de toutes les nations, à baptiser et à enseigner. L'œuvre du ministère n'est pas donnée à quelques privilégiés comme les pasteurs et ou les évangélistes, mais à tous ceux qui portent le nom de Christ. Nul ne peut prétendre être exempté de l'œuvre de propagation de l'Évangile, et aucun dirigeant d'Église ne peut prétendre avoir un ministère exclusif. Les dons spirituels de leadership servent spécifiquement à édifier l'Église. On a besoin des dirigeants d'Église pour nourrir, promouvoir et encourager l'unité. La liste des dons liés au leadership que fait Paul nous indique que ces rôles servent également à équiper le peuple de Dieu pour qu'ils atteignent les perdus. C'est la responsabilité de certaines personnes spécialement appelées dans l'Église que d'aider les autres à accomplir leur ministère et leur service personnel pour Christ et d'édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Le style de leadership de Jésus doit nous servir d'exemple de notre manière de faire. Jésus est venu pour servir les autres et non pour être servi. Nous devons aller et faire de même. Il y a une grande tendance chez les humains à être indépendants et à ne vouloir tant rendre de compte à personne. La société occidentale en particulier est gangrénée par cette tendance. Paul nous rappelle cependant qu'aucun chrétien n'est tout seul dans ce monde et que nous formons une communauté de foi avec des leaders spirituels qui permet de s'encourager les uns les autres dans notre voyage commun. Tous ensemble, nous faisons partie du corps de Christ. Quel don spirituel avez-vous et de quelle manière les employez-vous en vue de l'unité de votre église locale ?